Sur la solitude, avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque l'individu se conscientise, il développe un sens de l'identité qui lui est propre. Il lui permet de davantage supporter d'être séparé des autres humains sans en souffrir. Plus il s'individualise et moins sa conscience repose sur le collectif pour se définir. Donc, il développe une identité propre étant le fruit de sa fusion avec l'esprit. Elle lui permet de fonctionner en société sans chercher l'approbation des autres ou le statut social. Bien qu'il va développer une capacité de fonctionner de manière indépendante de la société, il ne sera pas intéressé à perturber l'ordre social étant donné qu'il va être investi de la présence de l'esprit. Ce dernier va l'amener à œuvrer en fonction d'un ordre cosmique qui respecte le rythme d'évolution des gens. Cela va faire en sorte qu'il ne cherchera pas à s'imposer aux autres. Plus l'individu est conscient et plus il est en mesure de supporter une situation de solitude sans en souffrir psychologiquement. Il devient alors de plus en plus habitué à fonctionner dans un état de vide mental libre de l'astral et des formes pensées. Comme l'humain, de l'involution n'avait pas accès à la capacité de dialoguer consciemment avec l'esprit dans sa psyché, il devait communiquer avec des êtres humains extérieurs à lui pour se sentir dynamisé par un échange. Par contre, qu'il rencontre des gens, en personne ou non, durant la journée, l'individu de l'évolution aura toujours la possibilité de dialoguer avec l'esprit. Donc, il ne s'ennuiera pas. Ce partenaire psychique de conversation fait qu'il va être plus indépendant avec les autres humains, car s'il sent qu'une personne est désagréable avec lui ou lui gruge trop de son énergie, il pourra toujours échanger avec l'esprit à la place. Donc, il aura toujours un interlocuteur par défaut. Puis, si l'esprit coupe la communication avec lui et qu'il n'y a pas de pensée qui lui est acheminée dans la conscience pendant une période de temps, eh bien il peut vivre un état de vide mental qui va lui permettre d'être en paix dans le ressenti d'un état vibratoire vitalisant. Ainsi, dans cette optique, même le vide mental est agréable. L'individu nouveau peut être sélectif par rapport aux gens qu'il rencontre, car il n'a pas besoin d'échanger avec les autres humains pour se sentir vivant. Donc, il ne nourrit pas de dépendance envers eux. Autrement dit, il ne cherchera pas nécessairement à s'isoler, mais il pourrait le faire au besoin, car il préférera être seul que mal accompagné. Par contre, il peut apprécier leur contact s'ils sont respectueux et il sera encore capable d'avoir du plaisir à discuter avec des gens. L'individu conscient vit son unicité de par sa fusion avec son esprit, de sorte qu'il soit dans la foule ou non, il se sait toujours différent des autres. En ce sens, qu'il fonctionne fondamentalement à partir de son intelligence créative de manière individualisée plutôt que de conventions sociales, de coutumes, de valeurs culturelles, de tabous sociaux et de superstitions. Toutefois, il sera capable de tenir compte du contexte social et culturel dans lequel il interagit avec des gens pour ne pas créer de choc inutile. Il sait que ce n'est pas toutes les personnes qui ont à parvenir à une conscience individualisée et que certains individus sombreraient dans la folie s'ils se voyaient privés des formes pensées de leur fonctionnement psychologique habituel, s'appuyant sur des repères sociaux comme la religion, la philosophie et l'idéologie politique. Ainsi, il ne cherchera pas à amener nécessairement tous les individus qu'il rencontre à se libérer des formes mentales qui sont présentes dans leur psyché et qui les conditionnent. Il sait que dans certains cas, cela pourrait être plus nuisible qu'utile. Certains individus fragilisés et immatures pourraient sombrer dans la déchéance s'ils sont privés du conditionnement social pour encadrer leur comportement. Donc, l'individu éveillé est au fait que ce n'est pas tout le monde qui doit vivre une émancipation psychique qui permet d'accéder à une individualité s'appuyant sur une vibration libre des formes. Dès l'instant que la personne a une pensée en tête, elle doit réaliser qu'elle n'est pas seule, parce que la pensée provient d'entités qui les acheminent dans sa psyché pour communiquer avec elle, pour vivre vraiment la solitude sur le plan mental. Cela prendrait une absence de pensée et comme la personne ne peut pas réfléchir cet état lorsqu'elle le vit, car elle ne pense pas, elle ne peut pas en souffrir. Généralement, la personne qui souffre de la solitude reçoit des pensées provenant d'entités qui lui disent dans la tête que ce n'est pas agréable d'être seule, pour l'amener à réfléchir des pensées de plainte, se rapportant à l'isolement qu'elle connaît des autres humains. Si l'humain croit que ses pensées proviennent de lui, eh bien, il va en souffrir et elles peuvent l'amener à ressentir des émotions comme de la tristesse ou du désespoir. Avec le temps, de nombreuses émotions en réaction à ses pensées peuvent l'amener à vivre une dépression. Par contre, si l'humain est conscient que les idées ne proviennent pas de lui, eh bien, il peut se mettre à parler dans son mental avec les entités qui lui acheminent celles à l'effet qu'il souffre d'être seul pour éliminer l'illusion de la solitude. Il peut leur signifier qu'il les perçoit pour les dévoiler et leur dire d'arrêter de lui acheminer ses pensées pour avoir accès à un état de paix mentale. Plus il est capable de les remettre en question en s'affirmant et plus il va pouvoir être libre dans son mental. Aussi, s'il ne donne plus de valeur à ses pensées, en les entretenant à travers le processus de la réflexion, eh bien, il ne souffrira plus d'elles. Il va pouvoir les observer entrer et sortir de son mental en étant détaché d'elles, soit en ne les prenant pas de manière personnelle. Par conséquent, ce qui occasionne de la souffrance, ce n'est pas la solitude en soi, mais le fait pour la personne de donner de l'importance à des pensées nuisibles lorsqu'elle se trouve en état d'isolement des autres. Ce type d'état est propice à la perception de pensées négatives parce qu'elle est arrêtée. Cela la rend disponible pour percevoir dans sa psyché avec acuité les pensées provenant d'entités. Tant que l'humain ne gère pas sa psyché intelligemment, il peut souffrir de la présence de pensées nuisibles lorsqu'il n'est pas en contact avec les autres humains et que son attention n'est pas tournée vers eux. Certains peuvent chercher momentanément à masquer la présence de pensées nuisibles dans leur psyché lorsqu'ils ne sont pas avec les autres en écoutant la télévision ou de la musique forte, en détournant leur attention d'elles par des éléments extérieurs à eux. Toutefois, cela ne règle pas le problème de fond. Ce type de comportement permet à l'individu de camoufler les symptômes de l'influence d'entités astrales négatives qu'il subit, mais cela ne lui permet pas de régler cette problématique. Par contre, à mesure qu'il apprend à gérer sa psyché en se libérant de l'influence des entités astrales, il en devient de moins en moins victime et il sera capable d'être bien dans son mental, qu'il soit en contact ou non avec d'autres humains. Et c'est ce qui termine la lecture du texte portant sur la solitude que vous pouvez retrouver sur le lien Internet qui se trouve juste en bas de cet enregistrement que vous venez d'entendre.